Hop, on met les mains, le jardin, on est vilain. On pète le mur du voisin, on chie dans la niche du chien. On écrabe les oignons, on égorge le client. On casse tout dans la maison, on fait trop dans la blouse. Après on la macule de